de ses péchés, ça fait rouiller. Et moi je te parle d'alcool comme un plaisir endiablé, un vrai fléau pour toute notre génération. Je te jure, putain, une vraie cause de dépression. Tu crois un texte moralisateur sur la dépendance? Non, non, un cri de douleur, de désespérance. Pas un test alcoolique pour sentir concerné. Au contraire, on a trop pas conscience de tous ses effets. Boire un verre quand on sait pas quoi faire, c'est une routine, rentrer dans les mœurs de tous mes frères. Quand on boit à ne plus s'arrêter, seul moyen de calmer la soirée, c'est aller se coucher. Moi j'suis dead avant, mais c'est pas le cas de tous. Moi j'vois pas quand j'prends le volant, mais c'est pas le cas de tous. Toi tu fais pas la différence entre 1 et 4 litres de sky, ça te fait même plus d'effet. Moi j'ai peur que tu t'entailles, constate un peu notre évolution. C'est trop acquis quotidiennement, on fait même plus attention. L'alcool j'en parle parce que moi j'y pense, les effets je les aime, mais j'ai trop pas confiance. Toi t'as ce qu'on appelle l'alcool mauvais, à quoi ça te sert persister? T'es un gros con, une fois bourré, tu deviens violent, insultant. On te l'a dit 10 fois, mais t'es revenu 20 fois. Faire chier tous tes gens, t'as ceux qui en prennent conscience après une dure soirée, ils ont fait ramasser. Week-end suivant, ils ont recommencé. En vrai, tu peux pas t'en passer, tu sais, mais c'est pas grave, t'es pas le seul. Alors personne n'est choqué, alors t'écoutes, t'as teasé. Ce week-end, t'es mis une race, ça t'a traumatisé. Je dis juste, c'est une menace, l'État a fait ses calculs, empoisonné toute une culture, c'est ridicule. Fais l'autopsie, je vois qu'il nous encule parce que ferme pas les yeux sur nos soirées, non. Je vois à quoi on tourne, nous, pour oublier. Moi je t'en parle parce que t'es mon pote, ça me fait flipper. Je suis pas plus à l'abri que toi et j'ai le droit d'en causer. Si t'étais à ma place, j'aurais voulu que tu m'en parles. Toi t'acquiesces, mais c'est comme si je te tirais une balle. Tu m'écoutes parce que tu sais, je dis pas ça pour que dalle. Si je te prends entre quatre yeux, c'est parce que j'ai mal. Pour écrire ce texte, je me suis alcoolisé parce que moi-même, à jeun, je te jure, je peux pas me l'avouer. Un jour, je sais, je vais arrêter, pour l'instant je suis jeune, c'est comme une envie d'en profiter. C'est pour ceux qui croient que la tease à me nuit, tristesse et peine, alors qu'en fait c'est bien bas qu'elle les entraîne. Dans un cercle vicieux où tu crois que tout va t'être mieux, mais tu t'y perds, oublie tes repères, fais du mal à tes chers. Pourtant dans ta tête, t'es persuadé que tu gères, mais eux rien qu'à ta gueule, ils voient que t'es du père. Au début, tout allait bien, quelques cuites le week-end pour zapper la semaine, oublier cette merde que la vie ramène. Tu sais, moi aussi j'ai le même problème, car l'être humain est faible face à ses problèmes. On cherche tous un exutoire. Quand ça pue, quand ça foire, on cherche tous une petite échappatoire. Pour moi c'est le bédo, pour d'autres l'héros, et pour toi c'est de boire jusqu'à ne plus voir que demain sera aussi noir. Cherche pas à te dire que la vie n'est que désespoir, mais y'a simplement des barrières qu'il faut savoir voir. Toi cette barrière, tu l'as franchie le jour où elle t'a quitté. T'as cru que t'isais tes draps à oublier, mais le lendemain tu t'es levé la gueule enfarinée. Rien n'avait changé au taf, t'as fait qui pensait. Ce qui fait que le soir dès que t'es rentré, la première chose que t'as fait c'est bêtement recommencer. Et puis tous les jours comme ça, après le vaitra, tu voulais voir personne à part ta taille de vodka. Jusqu'au jour où ton boss t'a dit ça peut plus continuer comme ça. Tu donnes une mauvaise image de la te bois. Vas-y casse-toi, repose-toi, soigne-toi, rentre chez toi, prends soin de toi, vas-y ressaisis-toi. Et là, ce fut la descente aux enfers pour toi. Au bout de 6 mois, on te retrouvera seul toucher toi, une balle dans la sofa. Et là, ce fut la descente aux enfers pour toi. Au bout de 6 mois, on te retrouvera seul toucher toi, une balle dans la sofa.